Dites-moi, Jean-Yves. Oui ? Ça fait 2 heures que je cherche Martin de la Comta, vous savez où il est ? Martin ? Bah, ça fait 2 jours qu'il cherche un médecin. Ah, et qu'est-ce qu'il a ? Bah, justement, il sait pas. Aujourd'hui, il y a Livy. Depuis septembre 2018, vous pouvez consulter un médecin en téléconsultation sur votre mobile quand votre médecin traitant n'est pas disponible. C'est un service utile pour obtenir un diagnostic médical en quelques minutes et une ordonnance si besoin. Livy est ouvert 7 jours sur 7 pour de nombreux motifs de consultation. Téléchargez Livy sur App Store ou Google Play. Livy, un médecin en quelques minutes. Fin janvier, la revue Scientific Reports publiait une étude sur l'impact du réchauffement climatique sur la calcification des planctons. Or, comme base référentielle, l'équipe de chercheurs de l'expédition Tara a utilisé des relevés vieux de 150 ans, ceux de la toute première expédition océanographique mondiale, celle du HMS Challenger. Partie entre décembre 1872 et mai 1876, cette expédition marque les débuts de l'océanographie moderne, tant pour l'impressionnante description de près de 5000 espèces marines que pour la cartographie des fonds océaniques et l'analyse de la densité et de la salinité des océans, un travail qui fait encore référence un siècle et demi plus tard. HMS Challenger, 26 800 lieues sur les mers, c'est le programme maritime qu'est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, 70 000 nautiques, ça fait environ 26 800 lieues, donc je pense que la conversion est correcte. Pour vous raconter en tout cas cette histoire, l'histoire de cette première expédition et comment elle a bâti les fondations de l'océanographie moderne, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Geisdorfer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes océanographe, directeur de recherche émérite au CNRS et secrétaire de la section navigation et océanologie de l'Académie de Marine. Et nous sommes en duplex des studios de nos camarades de France Bleu Isère à Grenoble. Avec Frédéric Aitken, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire de génie électrique de Grenoble et co-auteur avec Jean Numa Foulque des profondeurs océaniques au laboratoire, c'est aux éditions ISTE. Mais on reste en surface encore quelques minutes pour faire le tour de l'actualité scientifique du jour avec, comme tous les jours, Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec aujourd'hui la recherche et l'enseignement supérieur sont en grève, un mouvement de grève nationale mobilisé contre le futur projet de loi du gouvernement. Oui, l'ensemble des syndicats du secteur a appelé à protester aujourd'hui contre le projet de loi LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Cela fait déjà 3 mois que la colère gronde dans les universités. De nombreuses tribunes ont été publiées et le mouvement prend de l'ampleur. Près de 300 laboratoires, une centaine d'universités et 145 revues scientifiques sont impliquées. Le texte de loi précis n'a toujours pas été publié, mais il devrait être présenté en Conseil des ministres au début du printemps. Néanmoins, il y a tout de même des pistes d'orientation, avec les 3 rapports préalables sur l'attractivité de la France à l'étranger et sur les carrières des chercheurs. De plus, en décembre, Antoine Petit, le directeur du CNRS, évoquait une loi darwinienne qui encouragerait des CDI de projet pour le temps d'une mission. Dominique Vernet, vice-président de l'Académie des technologies, il est co-rapporteur du groupe 3 de préparation à la LPPR. C'est vrai que ça fait à peu près 15 ans que la France a sous-investi en matière de recherche, une première chose. Et puis un deuxième point, il y a eu effectivement aussi la montée importante des effectifs d'étudiants, donc générant des besoins en termes de professeurs et de maîtres de conférences, besoins qui n'ont pas forcément été remplis au bon niveau. Mais de l'autre côté, ce que je constate, c'est pour la première fois un président de la République qui annonce effectivement qu'il va mettre la France sur le chemin des 3% d'investissement en R&D, dont 1% pour l'État. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a aussi des gens qui ne partagent pas la même vision, en particulier sur la recherche, en étant contre le fait que dans la recherche, il y ait un aspect compétition. Alors qu'on sait très bien que partout dans le monde, la recherche, il y a un aspect à la fois compétition, mais aussi coopération à l'intérieur des universités, des organismes. Il y a aussi cette dualité qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et moi, j'ai compris l'esprit de la loi, c'est de prendre en compte dans les travaux des chercheurs, à la fois leur travail purement de recherche, mais aussi le fait qu'ils puissent participer à des actions, par exemple, de montage de projets vis-à-vis de l'Europe, des coopérations avec les industriels, des opérations de valorisation. Aujourd'hui, toutes ces actions, finalement, ne sont pas véritablement comptabilisées dans le travail qui est fait par ces chercheurs. Donc, je pense qu'au contraire, le fait de prendre en compte ces différents aspects, alors, le mot darwinien n'est pas forcément le bon, hein, mais en tous les cas, qu'il y ait une différenciation en fonction de la nature des activités des uns et des autres. Alors, dans la rue, les revendications de l'enseignement supérieur, ce sont le retrait de ce projet de loi, la création de nouveaux postes et un plan de titularisation massif. Johanna Siméon-Germanos est professeure de sciences politiques à l'ENS, médaille d'argent du CNRS et membre du collectif Rogue ESR. Elle manifeste aujourd'hui. Le constat de ces rapports est qu'il y a un décrochage de la recherche française à l'international. Simplement, ce que nous savons, c'est qu'il y a des études tout à fait sérieuses qui montrent que le taux de publication, il est directement en fonction de l'argent investi. C'est aussi bête que ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose de l'argent investi, certes, un peu plus, mais essentiellement de l'argent pour du précariat, pour des contrats courts. Et on pense, ce faisant, que c'est absolument pas la solution. La solution, on le sait, c'est des postes pérennes. La solution, c'est d'éviter aussi la dégradation de la qualité de la science du fait de la concurrence bureaucratique, du fait de la précarité. Oui, c'est-à-dire que là, ce projet pourrait encourager de nouvelles voies de recrutement, mais à côté de la fonction publique. Exactement, les fameuses tenure track, les postes du type professeur junior, qui sont en fait des CDD de 5 ou 6 ans. Et on voit bien, de toute façon, ce que sont ces postes qui se multiplient. Aujourd'hui, quand on va, par exemple, chercher des gros contrats de recherche européens ou des ANR, très souvent, on va budgéter dessus un post-doctorat. Mais c'est des post-doctorat qui sont thématiques et qui, très souvent, poussent à une forme de conformisme chez les jeunes qui sont recrutés ainsi. Et c'est pas ça qui permet de construire une vraie recherche indépendante. Le PDG du CNRS, Antoine Petit, non seulement évoque une loi darwinienne, c'est-à-dire part du principe que la concurrence, c'est bien. Or, paradoxalement, la concurrence, elle crée aussi du conformisme et une forme d'uniformité, d'une part. Nous, chercheurs depuis 15 ans et enseignants-chercheurs depuis 15-20 ans, qu'on voit les choses se dégrader, c'est que la bonne science, elle n'est clairement pas produite par la précarité et la concurrence et la lutte de tous contre tous. Elle est permise par la coopération, elle est permise par le travail collectif et certainement pas par le fait de se mettre en avant. Voilà, ce texte de loi devrait être présenté en Conseil des ministres à la fin du mois de mars. Et on passe au bref. Hier, Hong Kong a confirmé qu'un chien de compagnie a été testé positif au coronavirus. Le département de l'agriculture, des pêches et de la conservation de la ville de Hong Kong a confirmé qu'il s'agissait bien de la première transmission du Covid-19 de l'être humain à l'animal. Il a été détecté faiblement positif, donc pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'une infection à proprement parler ou de la simple présence du virus par contamination environnementale. L'animal ne présente aucun symptôme. Que les chiens de compagnie puissent être une source de transmission à la population, nous n'en avons aucune preuve. Néanmoins, les autorités chinoises invitent les personnes contaminées à mettre leur chat ou leur chien en quatorzaine. Voilà, on y reviendra demain pour une émission spéciale consacrée à cette épidémie de coronavirus. Qu'est-ce qu'une épidémie? Qu'est-ce qu'une pandémie? Comment faire quand un nouveau virus se répand dans une population? Comment le contenir? Comment lutter? Eh bien, ce sera le thème de notre émission spéciale demain, vendredi. Et puis, en bref, toujours, Natacha, une étude parue dans Biology Letters éclaire un mystère. Pourquoi les femelles vivent-elles plus longtemps que les mâles? En France, l'espérance de vie moyenne des femmes est de 85 ans contre seulement 79 ans pour les hommes. Chez de nombreuses espèces, il y a une différence significative de l'espérance de vie entre les sexes. Selon ce papier, cela pourrait être lié au doublement des chromosomes sexuels. XX pour les femelles, des chromosomes homogamétiques, et XY pour les mâles, des chromosomes hétérogamétiques. Avoir deux copies du même chromosome de sexe est associé à une durée de vie plus longue. Les chercheurs ont examiné la durée de vie de 229 espèces, et cela se vérifie pour les oiseaux, les poissons, les reptiles et les insectes. Et quand ce sont les mâles qui ont deux copies du même chromosome de sexe, ils survivent généralement aux femelles. Selon les auteurs de ce papier, ce doublon génétique favoriserait un meilleur système immunitaire. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. De 1872 à 2020, il n'y a finalement qu'un pas, un petit pas de 148 ans, mais un pas précieux pour les océanographes qui disposent avec les 50 volumes du rapport de l'expédition HMS Challenger d'un point de comparaison extrêmement détaillé et précis et qui permet aujourd'hui encore de montrer l'évolution des océans du globe, tant d'un point de vue physique, chimique que zoologique. C'est exactement ce à quoi ont procédé les océanographes de l'expédition Tara Océan, se servant des relevés de Challenger sur la qualité et la quantité du plancton dans les océans il y a 150 ans, pour la comparer avec leurs relevés aujourd'hui et en tirer des conclusions sur les effets de l'acidification et du réchauffement climatique. Peut-être un mot pour commencer, Frédéric Aitken, sur ce papier qui a été publié, je le disais tout à l'heure, le 31 janvier dernier dans Scientific Reports. Alors, bon, moi je suis plutôt physicien, donc je vais avoir du mal à être, avoir une vue clairvoyante sur ce sujet, mais il est clair que l'expédition du HMS Challenger a une moisson de résultats extrêmement importante et qui sert de base justement pour regarder l'évolution du climat aujourd'hui vis-à-vis aussi bien de la température des océans, mais aussi probablement de la vie animale dans les océans. Patrick Geisdorfer, peut-être sur cette étude d'abord et puis plus généralement sur la qualité de ces relevés qui servent aujourd'hui encore de référence océanographique. Oui, heureusement que depuis le Challenger, il y a eu des milliers de missions scientifiques, d'océanographiques dans toutes les mers du monde, et il y en a encore aujourd'hui, et qui font que les données du Challenger, si elles ont servi de point de départ il y a 150 ans, maintenant, c'est tout de même partie des archives, même si on commence toujours par les regarder, histoire de se replonger dans l'histoire de l'océanographie. Mais évidemment, maintenant, on ne peut plus se baser sur elles, on est obligé de prendre en compte tous les travaux qui existent actuellement, qui ont existé dans les décennies passées, sur le plancton, sur l'océanographie physique, sur l'océanographie chimique, sur la vie dans les océans. Et notamment, le plancton a été très étudié et ces données qu'on a actuellement nous permettent d'avoir une vision, le résultat de toutes ces missions ou des laboratoires côtiers comme les stations marines en France, notamment je pense à Villefranche qui est spécialisée sur le plancton, permet d'avoir une idée sur le plancton et sur l'ensemble de l'océan et de ses habitants, tout de même un peu plus récente. Villefranche ou Roscoff, votre station marine importante. Roscoff, qui était la station d'origine. Un mot peut-être, Frédéric Aitken. Effectivement, 150 ans sont passés, mais en physique également, dans votre domaine, quand on commence, quand on repart sur une campagne océanographique, qu'on cherche des données, ces données de HMS Challenger, elles ont une utilité, notamment, pourquoi pas, sur l'évolution des océans liés à l'activité humaine. Alors c'est sûr que c'est la base de départ. C'est d'ailleurs la première expédition océanographique qui a une ampleur mondiale. En fait, c'est pas la première expédition océanographique en tant que telle, puisque ils ont fait des expéditions océanographiques, d'ailleurs préparatoires à cette grande expédition. Mais l'originalité, en tous les cas, c'est d'avoir une base mondiale. Et ensuite, effectivement, il y a eu beaucoup d'autres expéditions océanographiques par derrière qui ont soit conforté en général toutes ces données et qui ont pu montrer surtout les évolutions de ces données dans l'hypothèse du changement climatique. Ces données, Patrick Geisdorfer, par rapport aux autres expéditions, comment est-ce que vous les caractériseriez? Elles sont donc effectivement internationales, ce qui est un point fort, mais elles sont particulièrement détaillées, elles sont très précises, il y a quand même 50 volumes qui ont été écrits à l'issue de cette expédition. Les données du Challenger, et comme le disait Frédéric Aitken, il y a eu quelques missions, notamment britanniques, avant, avec la Porcupine et le Lightning dans l'Atlantique Nord, qui avait déjà mis en évidence qu'il y avait la vie en profondeur, que les températures des eaux profondes étaient froides, et qui avait déjà donné une amorce d'explication, notamment sur la plongée des eaux profondes. Mais les ouvrages du Challenger, effectivement, moi, quand j'ai commencé à faire ma thèse de doctorat sur les poissons des grandes profondeurs, je les ai regardés. Comme j'ai regardé les travaux de Vaillant, qui résultent des expéditions françaises qui ont suivi dans les années 1880. Mais évidemment, depuis 150 ans, il y a eu beaucoup de travaux. Et je suis surtout appuyé sur les travaux les plus récents. Ça, c'est historique. Ça permet un bon point de départ. Et effectivement, c'est la première mission qui a eu cette ampleur, comme disait Frédéric Aitken, mais Après, quand, au fur et à mesure de mon travail, très rapidement, je me suis basé sur des travaux plus récents, heureusement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc à 16h15, tout au long de cette heure, de l'histoire de cette première mission océanographique mondiale qui est l'expédition du HMS Challenger. Nous en parlons avec Patrick Geisdorfer et Frédéric Atken qui est avec nous en duplex depuis des studios de France Bleu à Grenoble. Alors on va remonter justement un peu le fil du temps, Patrick Geisdorfer, jusqu'au milieu du 19e siècle. Vous l'avez dit l'un et l'autre, hein, ça n'est pas la première mission océanographique. Quelle est la connaissance que l'on a des océans, à cette époque, c'est-à-dire fin 18e, début 19e. Il y a quand même tout de même de controverses et les océans sont très mal connus, en tout cas les océans profonds. Ils sont mal connus, mais on peut tout de même citer les travaux de Marsili, qui était franco-italien, qui a fait un travail sur la Méditerranée à la fin du 18e siècle, qui est assez remarquable. C'est un peu le précurseur, il y a les travaux d'Humboldt aussi après, mais c'est moins précis. Les premières idées qui sont venues sur les grandes profondeurs, puisque le MHS Challenger a travaillé sur les grandes profondeurs, c'est à partir d'observations qui avaient été faites. D'abord, il y avait Edward Forbes, qui est un Britannique, qui avait déclaré qu'au-delà de ces 600 mètres, il n'y avait plus de vie. L'eau était froide, c'était obscur, il y avait une forte pression. C'est la théorie azoïque. La théorie azoïque, à partir d'un certain niveau. Et donc, il n'y a pas eu de chance fort, parce qu'il a fait des travaux remarquables par ailleurs en biologie, parce qu'il avait travaillé en mer Égée, qui est une mer qui n'est pas très riche. Il y a eu des observations faites par Rissot de pêche profonde au large de Nice dans les années 1810. Puis on a remonté notamment un câble, il y a parmi d'autres observations, un câble sous-marin qui reliait la France à l'Algérie. Et sur ce câble sous-marin, on a trouvé des corails et du mollusque à des profondeurs de plus de 2000 mètres de profondeur. Donc on savait qu'il y avait de la vie dans les profondeurs, mais il fallait tout de même travailler un peu plus. Et donc, ça a été un peu à l'origine. Par ailleurs, on a eu deux choses qui ont joué. On a posé des câbles sous-marins. Je viens d'en parler pour un, mais il y a eu des câbles sous-marins entre l'Europe et les États-Unis, l'Amérique du Nord. Des câbles télégraphiques, Oui, câbles télégraphiques. Et aussi, on a eu des progrès techniques. La machine à vapeur, l'électricité est arrivée à bord des bateaux, on n'avait plus que des bateaux à voile, même si le Challenger avait des voiles, il les a utilisés. Par ailleurs, les coques se sont améliorées, on a eu l'hélice, donc il y avait des problèmes techniques. On a pu avoir des treuils qui permettaient de chaluter, de draguer en grande profondeur. Donc il y a eu un progrès technique. Et puis il y a une demande économique, je vous dis, à la suite des travaux sur les câbles sous-marins. Par ailleurs, il y avait une volonté de puissance aussi. Les expéditions du XVIIIe siècle, les expéditions qu'il y a eu avec la Pérouse et les autres, il y avait une idée de colonie aussi, de coloniser. Et là aussi, notamment, la Grande-Bretagne régnait sur les mers et voulait affirmer sa présence sur les mers. Et donc, il y a aussi cette volonté politique d'affirmer sa présence et sa force. C'est-à-dire finalement des enjeux politiques, économiques, scientifiques, évidemment, et militaires. Donc tout ça était évidemment un ensemble. Je vais faire une remarque sur le Challenger. Ils ont fait aussi des travaux d'ethnologie. Parce que quand ils faisaient escale dans un pays, ils s'intéressaient aux populations qu'il y avait, ils les décrivaient, ils discutaient avec eux et ils les ont illustrés. Frédéric Atken, sur ces débuts de l'océanographie, on sait que le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle du naturalisme. Le premier traité océanographique, je crois qu'il date de 1725, c'est celui de Ippolito Salviani. Comment est-ce qu'on découvre l'océan pendant toute cette période qui va du début du XVIIIe au début du XIXe et cette fameuse expédition Challenger? Alors, je vais un peu compléter ce qu'a dit Patrick. Bien sûr. C'est que on a eu quand même beaucoup de données, mais qui étaient très parcellaires, en fait. Parce que dans toutes les expéditions qui se faisaient, d'ailleurs, autour du monde, bon, qui avaient des enjeux un peu différents, on embarquait plutôt des naturalistes, et l'idée, c'était plutôt de regarder comment on pouvait coloniser ou qu'est-ce qu'on pouvait tirer d'une contrée lointaine. Mais beaucoup d'expéditions ont fait, malgré tout, des mesures parcellaires, aussi bien de température que de salinité. Et il y avait déjà un espèce de corpus de données, mais qui effectivement n'était pas forcément aisé à obtenir, qui était réparti dans différentes universités, différents états. On a eu quand même quelques grands traités quand même d'océanographie qui ont quand même permis finalement l'émergence de cette exploration du Challenger, qui a été le grand traité d'océanographie de Matthew Fontaine-Maury, qui a eu, disons, une certaine vision de la circulation océanique, qui ensuite a été, en gros, remise en cause par d'autres scientifiques. Et c'est cette remise en cause qui, en partie, a pu déboucher sur cette expédition. Quelle vision exactement posait le traité océanographique dont vous parlez à l'instant ? Alors, Matthew Fontaine-Maury, qui était un Américain, mais qui était d'origine française, c'était une famille française huguenote qui est partie s'exiler aux États-Unis suite à la révocation de l'édit de Nantes. Il a fait une grande carrière dans la marine américaine et il a fait beaucoup de relevés. Et c'est lui d'ailleurs qui est un peu à l'origine de la méthode pour sonder les profondeurs océaniques. Puisqu'il avait remarqué que quand on met un plomb, qu'on fait descendre un plomb dans l'océan, la vitesse de ce plomb, au fur et à mesure que la profondeur augmente, elle diminue. Et quand ce plomb touche le fond de l'océan, on a un saut de vitesse en quelque sorte qui permet d'être à peu près certain que ce plomb a touché le fond de l'océan. Donc ça, c'est une méthode qui a été largement utilisée ensuite par le HMS Challenger pour sonder le fond des océans. Mais il a fait surtout une théorie de la circulation océanique qui était bâtie sur l'idée que c'était la différence de salinité entre les particules fluides en fait qui étaient au pôle et celles qui étaient en Arctique, enfin au pôle, disons, entre l'équateur et les pôles, c'était cette différence de salinité qui était essentiellement le moteur de la circulation océanique. Et ça, c'est quelque chose qui a très rapidement été controversé par différents scientifiques qui pensaient plutôt que c'était la température qui était le moteur principal. Et c'est effectivement une des raisons pour lesquelles l'expédition du HMS Challenger a vu le jour, et en particulier les précédentes explorations du HMS Porcupine et Lightning, où ils voulaient déjà vérifier cet aspect-là. Qui étaient effectivement les expéditions précédentes, presque l'introduction, la propédeutique à cette expédition du HMS Challenger. Comment naît-elle l'idée de cette grande expédition mondiale, c'est-à-dire que par rapport aux autres expéditions, qui sont des expéditions locales dans la Méditerranée, dans l'Atlantique Nord, mais qui n'ont pas l'ambition de faire le tour du globe, Patrick Geyserfeld? C'est un peu les raisons que je vous ai dites, vous l'avez reprise, scientifique, économique, politique, mais c'est aussi la grande époque du développement des sciences, les moyens techniques sont beaucoup améliorés, c'est l'avenir de la science, comme l'a écrit mon ami, si je puis dire, Ernest Renan. Mais donc il y a tout ça qui a joué, et donc à partir de ce moment-là, ils ont voulu, Bruin Thompson a voulu, en plus il était écossais. Et il avait un adjoint qui était Murray, qui était un Canadien. Ils ont voulu lancer cette grande expédition. Et comme disait Frédéric, il y avait eu quelques missions préparatoires dans l'Atlantique Nord. Et ce qui est remarquable, c'est que dès ces missions préparatoires, on a vu comment se former, ils ont compris comment se former les eaux profondes dans la mer de Norvège, entre le Groenland et la Norvège, et qui est à la base du système des courants de profondeur qui est actuellement très étudié. Puisqu'il y a une circulation générale des courants, en surface, il y a des courants, et dans la mer du Nord, enfin dans le nord de l'Atlantique plus exactement, plonge des eaux froides avec des salinités élevées, des températures basses, qui vont à leur tour faire un parcours complet dans le monde en profondeur, pour eux. Et donc, dès cette époque-là, les scientifiques anglais, britanniques, si on veut, avaient compris ça. Comme ils ont aussi vu qu'il y avait un seuil de bathymétrie faible entre la Norvège et le Groenland. Et alors, du coup, vous avez parlé, on va beaucoup en parler évidemment, de Thompson, qui va prendre les commandes de cette expédition. Mais derrière, il y a quelqu'un d'autre à l'origine de cette expédition, Frédéric Aitken, qui est William Benjamin Carpenter, qui va vraiment, lui, militer et mettre en place et acquérir finalement, justement, le blanc-seing pour pouvoir lancer cette expédition. Oui, alors cette expédition, elle est entièrement due à l'activisme de William Benjamin Carpenter. C'est quand même lui le grand artisan de cette expédition. Alors, il a pu effectivement être cet artisan parce qu'en fait, il était président de la Royal Society, hein, qui était la grande société savante anglaise, et qui avait finalement un certain pouvoir de lobbying auprès des hommes politiques, mais qui était aussi finalement une chambre dans laquelle il y avait un mélange entre différentes communautés, et en particulier, il y avait au sein de cette société savante l'hydrographe de l'Amirauté, qui était un personnage très important. Et c'est par le fait qu'il se côtoyait quotidiennement, c'est un grand mot, mais il se côtoyait régulièrement au sein de cette société, qu'ils ont pu en discuter et que effectivement l'hydrographe de l'Amirauté a pu lui aussi, de son côté, du côté de la Royal Navy, faire pencher la balance en faveur de cette expédition. Donc on voit que cette expédition elle a lieu parce que d'abord il y a un réseau, il y a un certain lobby en quelque sorte qui se fait auprès des hommes politiques, mais ça n'a rien quand même d'évident puisque l'époque à laquelle ça se fait, il faut voir que l'Angleterre est en train de rentrer en récession économique. On va arriver dans la période 1873 à 1896, c'est ce qu'on appelle la Grande Dépression. Et donc, c'était loin d'être gagné d'envoyer une expédition comme celle-là, une expédition scientifique, autour du globe pendant 3 ans. Ça, c'était pas du tout une affaire gagnée. Et ça s'est fait parce qu'il y a eu, en fait, une conjoncture d'intérêts entre la Royal Navy, qui avait des intérêts à aller faire des cartographies dans certains endroits précis du monde, qui étaient relativement mal connus. Il y avait ces intérêts économiques qui étaient liés à la pose, à la pose grandissante de tous les câbles sous-marins. Et ça, c'était un intérêt à la fois économique et stratégique très important. Et puis, il y a eu le côté scientifique qui s'est rajouté là-dessus. Mais si je pense que s'il y avait eu que le côté scientifique, probablement cette expédition n'aurait jamais pu voir le jour. Il faut dire aussi que après finalement la frénésie d'expédition des débuts du 19e siècle, l'Angleterre à ce moment-là est encore un peu sous le choc de l'expédition Terror et Rébus et des nombreuses missions de recherche de ces navires qui se sont abîmés en cherchant le passage du Nord-Ouest, et que du coup ça a peut-être aussi un peu joué dans le fait que il a été difficile de convaincre tout le monde pour renvoyer une mission faire le tour du globe en plusieurs années. Frédéric Atkin. Oui bien sûr, ils étaient encore dans le traumatisme de cette expédition de Benjamin Franklin, pour lequel ils avaient envoyé un grand nombre d'expéditions à sa rescousse ou à sa recherche et qui étaient tombées finalement tout à l'eau. D'ailleurs, la plupart, beaucoup des marins qui étaient sur le Challenger avaient participé par ailleurs à d'autres expéditions qui avaient pour vocation de faire cette recherche de l'expédition de Benjamin Franklin. Donc, c'est vrai que l'opinion publique anglaise à ce moment-là était un petit peu lassée de toutes ces expéditions. Et c'est sûr qu'il fallait effectivement, pour relancer une expédition, il fallait qu'elle se fasse dans un cadre un petit peu différent. Mais de la même manière, en France, on avait encore aussi le traumatisme de l'expédition de M. Lapérouse. Mais ceci dit, les Anglais, ça les a pas empêchés de relancer effectivement une grande expédition océanographique, mais effectivement un petit peu différente de ce qui se faisait à l'époque, puisque l'expédition encore de Benjamin Franklin, c'était une expédition, on va dire, traditionnelle, avec essentiellement quelques naturalistes à bord, et on faisait pas beaucoup de mesures physiques. Si ce n'est des mesures physiques un peu classiques, étaient de la météorologie quotidienne. Et la volonté de trouver ce fameux passage du Nord-Ouest qui aura coûté la vie à de nombreux marins et à de nombreux navires. Finalement donc, l'Amirauté accepte en 1871, fin 1871, cette expédition HMS Challenger. Ça n'est pas Carpenter qui en prend la direction, Patrick Geisdorfer, parce qu'il commence à être âgé et donc finalement il va laisser sa place au fameux Thomson. Oui, en effet. Il faut souligner, là, comme vient de faire Frédéric, le rôle de la Royal Navy, le rôle des marines de guerre, depuis toujours dans la découverte des mers. C'est pas parce que j'ai été officier de la Marine nationale que je le dis, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et la corvette Challenger appartient, comme le vient de le dire Frédéric, à la Royal Navy. C'est un navire militaire. C'est un navire militaire. En France, les navires qui ont fait le travail en établissement, c'était des navires militaires. Ce sont les expéditions qui vont partir dans les années 1870. Oui, dans les années 80, dans le nord de l'Atlantique, autour des Açores. Et par la suite, et encore aujourd'hui, la Marine nationale a un rôle important dans la redécouverte des mers. bien qu'elle s'appuie essentiellement sur les chercheurs civils du CDRS, de l'IFREMER et d'autres organismes. Pourquoi il était important que ce soit un navire militaire pour cette expédition ? Parce que les navires marchands, ils avaient un but commerçant et commercial. Les armateurs étaient peut-être pas très disposés à aller voir partir de deux ou trois ans pour faire de la recherche scientifique. Et les intérêts des câbles et autres, ou les intérêts stratégiques d'un pays, ça les concernait pas tellement. Tandis que les marines nationales, elles n'ont pas d'intérêt commercial et donc peuvent très bien et continuer à l'occasion à le faire, à mettre à la disposition des sciences leurs bâtiments et leurs équipages. En plus, les équipages des marines nationales ont toujours été très entraînés à faire énormément de choses. Frédéric Aitken. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de toute façon, ce bateau, qui avait déjà navigué beaucoup, il était considéré comme plus bon pour le service militaire, en tous les cas. Ils avaient mis justement de côté deux navires, qui étaient le HMS Challenger et un autre navire qui était le HMS Clio, qui lui avait participé à la guerre au niveau des Malouines. Et ces deux navires étaient considérés comme dépassés pour faire des guerres modernes de cette époque-là. Et donc, c'est vrai que plutôt que de les transformer tout de suite en navires charbonniers, comme ça se faisait classiquement à l'époque, il a été, je trouve, vraiment très, très intelligent de la part de la Royal Navy de retransformer complètement, parce que finalement, le navire a été quasiment retransformé complètement pour en faire d'un navire de guerre un navire océanographique. Racontez-nous justement cette transformation. Racontez-nous, parce qu'effectivement, il a complètement, il y a plein d'innovations. Il y a presque la création du premier laboratoire humide en quelque sorte. Je vous écoute. C'est peut-être la première création d'un laboratoire flottant, ils ont effectivement transformé surtout les deux premiers ponts supérieurs du navire. Pour accueillir à la fois un laboratoire de zoologie dans lequel il y avait des microscopes et une foule incroyable d'objets divers pour faire toutes les analyses, de façon à ce qu'il y ait une lumière qui puisse arriver au niveau des microscopes. Ils ont percé des ouvertures sur les ponts, exprès pour cela. Ils ont créé de toutes pièces un laboratoire de chimie pour le chimiste qui était à bord du Challenger, avec une batterie d'instruments qui lui était finalement propre. Ils ont transformé une partie des soutes pour accueillir toute la partie câble pour faire les sondages et les dragages. Ils ont enlevé effectivement tous les canons sauf deux, parce qu'il fallait deux canons pour quand on arrivait dans les différents ports de différents états, il y avait un protocole à respecter, donc il y avait des coups de canon à donner. Quand on accueillait aussi des personnalités à bord, puisqu'ils ont accueilli un grand nombre de chefs d'état étrangers finalement à bord, pratiquement partout où ils sont passés, ils les ont accueillis à bord. Donc il y avait tout un protocole, donc il était resté juste deux canons. Et puis finalement, toute la partie qui accueillait la poudre à canon avait été transformée finalement en magasin d'alcool pour pouvoir mettre les spécimens récoltés dedans et les conserver. Alors il y avait aussi l'alcool pour boire, mais il y avait en grande partie l'alcool qui servait à la conservation des spécimens. Et puis ils avaient installé à bord aussi un aquarium. Il y avait un grand aquarium, ça beaucoup de gens qui sont montés à bord le relatent. Donc il y avait un aquarium qui avait de l'eau rafraîchie en permanence, enfin de l'eau qui était fraîche en permanence. Et puis, ce qui était absolument original pour l'époque, c'est qu'ils ont monté un atelier de photographes. Car c'est quand même la première expédition océanographique qui a emporté un laboratoire de photographie et qui a fait des photographies pratiquement de toute la planète. Quand tout à l'heure Patrick il parlait d'ethnographie, l'ethnographie passe aussi par la photographie. Et ils ont photographié pratiquement tous les lieux où ils sont allés, et aussi les gens. Et ça, c'est une mine d'or, je trouve, absolument incroyable. Et c'est la première expédition océanographique qui a photographié des icebergs en Antarctique. Patrick Gitzorfer, sur cette modification, cette transformation complète de cet ancien navire militaire. Oui, c'est ce que vient de dire Frédéric, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Il y a les engins de prélèvement aussi, les chaluts qui permettaient de travailler jusqu'à des profondeurs d'ordre de 5000 mètres. Les systèmes de sondage étaient très lents parce qu'il fallait descendre des plombs et ça supposait aussi que le bateau soit à l'arrêt. Il y a les engins qu'ils ont utilisés, notamment les chaluts. On les a, dans les années 69, quand la France a repris une activité océanographique dans les années 1960, ces types de chaluts, on les a utilisés à bord du tout neuf Jean Charcot, en les améliorant un peu, mais il y avait tout de même à la base les engins du Challenger. Et vous nous raconterez l'un et l'autre exactement ce que sont ces différents équipements, ces différents outils qui ont servi à faire des relevés autant physiques, chimiques que zoologiques. Ce sera dans quelques instants. The way I feel it slipping all over me. This must be underwater love. The way I feel it. O que que é esse amor da água? Deve sentir muito parecido a esse amor. This is it, underwater love. It is so deep, so beautiful. Esse amor com paixão, ai. Esse amor com paixão, ai, que coisa. After the rain comes sun, after the sun comes rain again. After the rain comes sun, after the sun comes rain again. After the rain comes sun, after the sun comes rain again. Underwater Love sur France Culture à 16h35 de Smoke City, puisque nous sommes sous l'eau, sur l'eau, partout sur les océans du globe, avec cette mission HMS Challenger, première mission océanographique mondiale dont nous vous racontons l'histoire aujourd'hui avec Patrick Geisdorfer, qui est océanographe et directeur de recherche émérite au CNRS, et Frédéric Aitken avec nous en duplex de France Bleu Isère à Grenoble et qui est chargé de recherche au laboratoire de génie électrique de Grenoble. D'une expédition à l'autre, puisque c'est ce qui a motivé cette émission, à 150 ans d'écart, Tara s'est donc servi des relevés du Challenger pour son étude comparative de l'évolution de la population de plancton, et ça tombe bien puisque la goélette Tara est justement en ce moment amarrée à Paris, sur la Seine, près du pont Alexandre III. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous qui aviez le pied marin, vous étiez sur le point d'embarquer, on n'a failli pas vous revoir. Et oui, et c'était un vrai plaisir en tout cas de monter à bord de cette goélette qui sillonne les océans du monde entier pour mener des recherches sur la pollution des océans mais aussi sur leur biodiversité. Parmi cette biodiversité, les planctons sont devenus l'un des axes de recherche majeurs des chercheurs embarqués à bord de Tara. Chris Bowler est biologiste, directeur de recherche CNRS à l'École Normale Supérieure et chef de l'équipe génomique des plantes et des algues. Il collabore aux missions de Tara Océan depuis 10 ans et il a passé plus de 3 mois en mer à bord du voilier pour effectuer des relevés et des analyses de plancton. On a parlé ensemble du travail de recherche à bord de Tara. On a également fait la visite du bateau depuis le pont jusqu'au cal. De quoi avoir envie de prendre le large. Donc on est juste devant le pont Alexandre III aux Invalides, Tara est là, c'est donc une goélette de 36 mètres et on se trouve plus particulièrement sur le labo humide qui est sur le pont de Tara où on fait toujours les manips pour échantillonner l'eau de mer, notamment pour concentrer le plancton qui est présent dedans. Quels sont les points communs entre une expédition historique comme celle de Challenger et une expédition moderne, contemporaine comme celle de Tara ? Bon, d'abord, c'est un peu le côté aventure. Les scientifiques du Challenger, ils ont lancé leur expédition sans savoir qu'est-ce qu'ils vont trouver. Et Tara Océan, le projet Tara Océan, est parti de l'Orient, un peu dans le même esprit, d'aller explorer ce monde très méconnue du plancton au sein de l'océan. Le Challenger, ils avaient une hypothèse au début de l'expédition. Et l'idée, c'était d'explorer s'il existe de la vie au fond de l'océan. Là, on est dans le laboratoire d'études des planctons, on y reviendra. Est-ce qu'il y a d'autres espaces dédiés purement à la recherche à bord de Tara ? L'instrumentation a vraiment changé depuis l'époque du Challenger, à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, ils avaient pratiquement que les instruments pour mesurer la température, la salinité de l'eau, de faire les collectes de plancton, faire les observations en microscope, juste des microscopes très simples, plus ou moins, c'était tout. Aujourd'hui, on a les instruments beaucoup plus performants. On a les instruments qu'on utilise dans la biomédecine, par exemple, le séquençage ADN haut de bille, les microscopes très performants qui permettent d'aller voir à l'échelle nanométrique l'intérieur d'une cellule. Donc les choses, ils ont vraiment changé aujourd'hui, même l'instrumentation en océanographie. Il y a énormément de technologies qui ont été adaptées, qui ont été développées ces dernières décennies, qu'on a pu utiliser à bord de Tara. Certes, on ne peut pas tout faire à bord de Tara, ça reste une petite goélette de 36 mètres par rapport au navire océanographique Ifremer. On n'arrive pas à faire les mêmes choses, c'est clair. Mais quand même, on arrive à faire pas mal de choses à bord de Tara. Là, on se trouve dans une pièce un peu particulière. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'on voit autour de nous ? C'est un endroit un peu bas de plafond pour nous deux qui sommes assez grands. Qu'est-ce que vous faites dans cette pièce quand vous étudiez le plancton ? Oui, effectivement, c'est une petite pièce de peut-être quelques mètres carrés seulement. Quand on travaille à bord de Tara, il y a typiquement trois personnes ici qui travaillent ensemble. Qu'on fait surtout de la filtration de l'eau de mer. On arrive à filtrer des centaines de litres d'eau de mer pour concentrer le plancton sur les membranes qui peuvent ensuite être congelées et envoyées vers les laboratoires pour les études différentes qu'on réalise en laboratoire. Les membranes, donc c'est du papier assez fin, c'est ça ? Les membranes sont des espèces de papier qui ont les mailles de différentes tailles qui permettent de concentrer de plancton de différentes tailles. Certains planctons sont très petits comme les bactéries, autres planctons sont plus grands comme le zooplancton. Donc on utilise les membranes avec les mailles de différentes tailles pour concentrer les différentes tailles de plancton. On est effectivement à l'arrière. Il y a une A-frame, il s'appelle en anglais, celle-là où on met tous les instruments en mer. Ça peut être les filets planctons, ça peut être les autres instruments qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Donc il y a deux mâts et après devant on peut mettre des autres voiles aussi. Là, on est un peu plus au calme. On est dans la cabine de pilotage. La cabine de pilotage, oui. Ça, c'est l'endroit du capitaine qui contrôle le fonctionnement du bateau. Ici, quand on fait l'échantillonnage pour la science, le chef scientifique sera ici pour décrire tout ce qu'on fait pendant l'échantillonnage. On descend quelques marches. Alors, là, on est dans les appartements. Ça, c'était le labo sec pendant l'expédition scientifique. Maintenant, c'est une cabine de personnes. Là-dedans, on a mis énormément d'équipements scientifiques, les microscopes, les cytomètres, les autres équipements océanographiques, pour pouvoir observer tout ce qui se passe dans l'eau quand Tara passe. On a continué d'avancer sous le pont. Oui, on est sous le pont, on est devant alors. Ça c'est donc l'espace pour stockage, pour matériel, soit scientifique et matériel, tout le reste. Mm-hmm. Pour les marins et aussi pour tout ce qui est nourriture à bord. On a les frigos, les congélateurs spécifiques pour la nourriture et les autres spécifiques pour la science, pour l'échantillon. La vie à bord, c'est très difficile dans le sens que le bateau bouge beaucoup. Donc, on passe énormément d'énergie, je pense, juste pour rester debout. Ouais. Avec l'autre énergie qu'on a, on travaille. La vie à bord, c'est aussi différent pour ce qui concerne jour et nuit, qui n'existent pas vraiment à bord. On n'arrive jamais à dormir au-delà de 3-4 heures, car il y a toujours les quarts de nuit qu'il faut faire. Il y a des fois l'échantillonnage pendant la nuit qu'il faut faire. Donc, il y a toujours les choses à faire à bord. Le bateau et le bateau dort jamais, en fait, complètement. Voilà, d'une expédition à l'autre, à 150 ans d'écart, de Tara à Challenger. On va revenir à Challenger avec Patrick Geisdorfer et Frédéric Atkin, peut-être pour parler d'abord du trajet de ce tour du monde océanographique. Frédéric Atkin, le trajet de Challenger a été prédéfini, on savait exactement quels allaient être les points. Comment est-ce qu'il a été tracé? Oui, ils avaient bien préparé le tracé. Disons que les instructions de l'amirauté étaient à la fois précises et laissaient une certaine liberté au capitaine du navire. Mais il était clair qu'ils avaient fait en sorte de traverser l'océan Atlantique de part en part, l'Atlantique Nord, exprès pour... Ces fameux câbles. Alors, il y avait... la problématique des câbles, mais il y avait aussi la problématique de vérifier cette histoire de dorsale océanique. On avait déjà des... disons que certains résultats montraient qu'il y avait cette dorsale océanique, mais on voulait préciser encore mieux le passage de cette dorsale océanique. Et puis, clairement, effectivement, dans l'Atlantique Sud, le trajet de retour, ils ont remonté exactement à l'aplomb de cette dorsale océanique. Donc ça, le trajet avait été largement prévu et puis ils ont fait beaucoup d'escales dans pas mal d'endroits qui étaient soit d'un intérêt vraiment scientifique pour les naturalistes, en particulier dans l'Indonésie. Ils sont allés voir pas mal d'îles et puis ils ont fait aussi pas mal d'escales dans des endroits qui étaient finalement assez peu connu du point de vue des profondeurs océaniques. Et donc là, le trajet avait été prévu pour ça. Et en particulier pour la future pose de câbles sous-marins. En un mot peut-être, Patrick Geisdorfer, on va mettre la carte hein, de ce voyage de l'expédition Challenger sur notre fil Twitter @lamethodefc, mais vous pouvez peut-être nous décrire un peu par quel point ils sont passés, d'où ils sont partis, en quelques mots, pour qu'on puisse se faire une carte mentale pour nos auditeurs. Je crois que Frédéric a assez bien résumé. On ne peut pas décrire en détail cette expédition. Ça correspondait à des besoins scientifiques et des besoins économiques, comme Frédéric vient de le dire. On ne peut pas détailler ça. Pour le Pacifique, ils ont fait le Pacifique Nord. Ils n'ont pas essayé le passage du Nord-Ouest. Et pour cause ? Et pour cause, il y avait des précédents. Vous savez qu'on le trouve déjà dans Rabelais, le passage du Nord-Ouest. Ils ont fait une tentative d'approche du continent antarctique, qui était connu comme celle du Mont d'Urville, au sud de l'Australie. Mais c'est la seule où ils sont vraiment allés dans les mers froides. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu photographier des icebergs, effectivement. Alors, si on parle évidemment de ces relevés aujourd'hui, c'est parce que le HMS Challenger, dans la flopée d'histoires qui lui sont arrivées, a notamment est tombé presque par hasard, en fait, en quelque sorte, sur l'endroit le plus profond des océans du globe. Non, comment il n'est pas s'est tombé sur l'endroit le plus profond, puisqu'il est passé pas loin. Il est passé pas loin, voilà. Mais vous pouvez peut-être nous raconter... Il est à 11 000 mètres au large des Philippines, c'est la fosse des Mariannes, mais il a atteint tout de même des profondeurs importante puisqu'il a étalé jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 5-6 000 mètres, même peut-être plus. Frédéric Atkin, pardon, oui, allez-y, on ne vous entendait pas. Ils ont atteint la profondeur de 8 000 mètres. De 8 000 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, vraiment le pur hasard. Hein. C'est-à-dire qu'en fait... Merci de trancher en ma faveur. Allez-y, Frédéric. Non, mais je ne dis pas qu'il y avait cherché volontairement. C'est-à-dire que dans leur parcours, en fait, ils s'arrêtaient en gros tous les 300 km pour faire un sondage. Oui. Et il s'est trouvé que finalement, la fosse des Mariannes s'est trouvée à 300 km en gros du dernier sondage qu'ils ont fait. Alors, cette fosse, effectivement, elle est en fait très étroite. Elle fait probablement quelques 10 km à peu près, ou quelque chose comme ça. C'est ça, à peu près. Par contre, elle est très très longue. Hein. Elle fait des centaines de kilomètres en longueur. Et ils ont eu à la fois de la chance et à la fois pas de chance. Ils sont tombés pas au point le plus profond de la fosse des Mariannes, mais quand même, ils ont atteint les 8000 ou 8500 mètres de profondeur. Ils ont d'ailleurs eu des thermomètres qui ont cassé, qui n'ont pas résisté à ces pressions-là. Et alors, parlez-nous justement, Frédéric Atkin, un peu de l'instrumentation. Comment est-ce que le Challenger mesure et peut réussir à mesurer jusqu'à 8000 et des brouettes kilomètres de profondeur? Comment surtout on procède pour récupérer, pour faire ces relevés, notamment physico-chimiques, de l'eau, de la salinité? Parce que pour tout ça, il a fallu effectivement trouver des astuces pour lutter contre la pression, etc. C'est assez passionnant, racontez-nous ça. Oui, alors Patrick l'a déjà un peu évoqué précédemment, mais disons qu'ils ont eu les deux expéditions préparatoires du Porcupine et du Lightning qui leur ont permis véritablement de développer l'instrumentation qui va avoir lieu sur le HMS Challenger. C'est là qu'ils ont testé un bon nombre d'instruments et qu'ils se sont aperçus, pour certains, que ces instruments étaient parfaitement compatibles avec les recherches qu'ils voulaient mener, et puis d'autres nécessitaient des améliorations, ou d'autres n'étaient pas du tout compatibles. Donc par exemple, la drague dont parlait tout à l'heure Patrick, qui a été améliorée effectivement lors des croisières du Porcupine et du Lightning, pour essayer de récupérer un maximum de matériel dans le fond des océans. Ils avaient attaché ce qu'on appelle des faubères à l'arrière de la drague. Donc ça, c'était une amélioration qu'ils ont faite avant, dans les expéditions préparatoires. Des faubères qui sont dans les... Des filets. Des filets. Ce sont des espèces de... vous voyez, les marins, quand ils lavent le pont d'un navire, ils utilisent des espèces de balais qui ont ces faubères, justement, et c'est ces faubères-là qu'on a attachés derrière la drague. Donc voilà, ça c'est une amélioration qui s'est faite lors des précédentes croisières. Alors ils avaient vu dans les précédentes croisières, ils avaient fait des mesures avec des thermomètres, et il s'avérait que ces thermomètres, qui étaient déjà un peu des thermomètres à maxima et à minima, tenaient pas forcément bien la pression. Et donc là, ils ont fait des améliorations pour arriver à ce qu'on appelle finalement le thermomètre de Miller-Casella, qui sera embarqué effectivement sur le HMS Challenger. Mais ils développeront aussi d'autres techniques de mesure de la température. Il y aura par exemple Siemens. Alors, on connaît l'entreprise Siemens, mais là, c'était le frère de celui qui a développé l'entreprise, aura fabriqué un thermomètre électrique. Donc, c'est des premières mesures de thermomètre électrique. Qui fonctionnait comment? Alors, il fonctionnait à base d'un pont de Wheatstone. Il va falloir nous expliquer un peu plus ce que c'est qu'un pont de Wheatstone et comment ça fonctionne. Là, je pense que on va s'embarquer un peu loin, mais disons que c'était un thermomètre électrique. Voilà, c'était les premières mesures à base de thermomètre électrique. Moi, j'aimerais bien que l'un de vous deux me raconte comment, par quel procédé, finalement, le Challenger réussissait à faire des prélèvements d'eau de mer de profondeur. Parce qu'évidemment, quand on va prendre de l'eau en profondeur, il faut trouver un système de clapet, de pression, pour pouvoir réussir à être sûr d'attraper de l'eau qui vient du fond et qu'elle ne se mélange pas avec l'eau de surface quand on remonte. Vous pouvez peut-être nous raconter ça, Frédéric Atkin, en quelques mots? Oui, alors c'est pareil là, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait déjà des instruments qui avaient été développés dans le passé pour d'autres types d'expéditions. Ils avaient fait des tas d'essais avec des appareils. Et puis, en fait, ce sont des perfectionnements, finalement, de ces différents types d'appareils qui ont été mis en œuvre sur le HMS Challenger. Et en fait, ils avaient, en gros, deux types d'appareils pour faire ces relevés d'eau. Il y avait, pour ce qui est les eaux intermédiaires, un type d'appareil donné. Et puis pour les eaux plus profondes, un autre type d'appareil qui fonctionnait plus ou moins sur le principe, effectivement, que on laisse l'eau traverser l'appareil quand il descend, et puis quand on commence à le remonter, on a des poids ou on a l'agitation qui vient fermer des clapets. et qui fait que l'eau devient emprisonnée. Et ensuite, on remonte le tout vers la surface. Donc, il y avait, en fait, c'était de la mécanique de précision absolument géniale. Patrick Gelsdorfer, Patrick Gelsdorfer, un mot tout de même, parce qu'on parle beaucoup, là, effectivement, des relevés topologiques, des relevés de température et d'eau. Sur les 50 volumes de compte-rendu de cette expédition de Challenger, il y en a 40 qui sont des compte-rendus de zoologie. Il y a un travail de naturaliste et de biologiste et de botaniste qui a été fait, qui est absolument gigantesque. Oui, je vais faire une remarque d'abord, c'est que Frédéric Etken est plus jeune que moi, il n'a pas eu le plaisir d'utiliser dans les années 60-70 les bouteilles qu'il décrit, bien améliorées depuis le Challenger, où il fallait descendre des séries de bouteilles avec des thermomètres et les fermer en les balançant sur le câble des poids qui les fermaient. C'était très fastidieux. Maintenant, on a toujours des bouteilles de prélèvement, mais le système bien amélioré. Voilà, ça c'est une chose. Je voudrais dire aussi un mot. HMS, ça veut dire bâtiment de sa majesté. Alors, majesté, ça. Ça veut dire majesté. Ça veut dire que c'est un bâtiment de la marine de guerre, de la Royal Navy. Et je vous posais la question sur les relevés zoologiques et sur la très grande quantité de descriptions d'espèces qui a été faite à ce moment-là. Je crois qu'il y a 4700 nouvelles espèces d'animaux et de plantes marines qui ont été découvertes. Les océanographes ont... biologistes en particulier, ont toujours cherché les espèces nouvelles. On peut dire qu'on continue encore, même si c'est plus devenir l'objectif principal. Avec les sources hydrothermales, on en a trouvé plein, à la fin des années 80, par la suite. Mais c'est vrai qu'au début des campagnes océanographiques, notamment celles qu'il y a eu par la suite, on a cherché à avoir des espèces nouvelles, à décrire les espèces qui vivaient dans la mer, notamment dans le cas du Challenger en profondeur. Et ça fait que c'est tout de même un travail, je ne dirais pas plus facile, mais tout de même plus facile un peu que les mesures physiques et chimiques. Parce qu'il y a eu les mesures chimiques aussi et les mesures géologiques. Et puis avec évidemment des relevés de roches, notamment de ces fameuses roches de volcanisme hydrothermal. Un mot tout de même, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, Frédéric Etken, 1290 jours de voyage, 727 jours en mer, avec un bilan humain assez honorable, hein, puisque je crois qu'il n'y a eu que 10 morts et 61 désertions, ce qui est relativement peu par rapport à ces voyages de 3-4 ans de l'époque. Oui, c'était... Clairement, on s'est bien occupé de l'équipage, hein, globalement. Il faut savoir qu'effectivement, c'était quand même des missions qui étaient éprouvantes à la fois pour les organismes et pour le moral. Hein. Ça, c'était compliqué quand même de vivre pendant 3 années comme ça, très loin de sa patrie. Je pense qu'ils ont... du fait qu'ils avaient en fait quand même un équipage qui était... qui avait un parcours déjà très important dans la Royal Navy. Ils ont trouvé un équipage et des officiers, des sous-officiers qui étaient pratiquement les plus expérimentés qu'ils avaient à cette époque-là. Ça a permis effectivement d'avoir une expédition qui se passe bien. Et puis il y a un autre aspect quand même que je pense très important, qui a été bon pour le moral de l'équipage, c'est d'abord la création d'une fanfare à bord. Et ça, effectivement, on le retrouve relaté pratiquement dans tous les récits qui ont été faits par ces membres d'équipage. Il parle notamment, par exemple, d'un Noël extraordinaire le 25 décembre 1974, alors qu'ils étaient pratiquement au large du golfe des Penes, c'est-à-dire au large de la Patagonie chilienne, c'est-à-dire pratiquement au milieu de nulle part. Hein. Et il parle effectivement que ce Noël-là est mémorable, puisqu'il y a eu un concert extraordinaire à bord du bateau et que le capitaine Thompson, qui était un mélomane averti, avait joué merveilleusement de tous ses instruments. Donc ça, je crois que c'était un très très important effectivement sur le moral de l'équipage. Et puis je pense qu'ils étaient extrêmement modernes aussi pour l'époque, en ce sens que le capitaine Nard, pratiquement dès le début de l'expédition, a incité très fortement les scientifiques qui étaient à bord à faire part de leurs projets scientifiques à tout l'équipage. On va s'en dire là, on arrive à la toute fin de l'émission, Frédéric Atken, je suis désolé de vous couper. Donc... Allez, mais merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de cette expédition HMS Challenger. Patrick Geisdorfer, on peut vous lire dans l'histoire de l'océanographie de la surface aux abysses, c'est aux éditions Nouveau Monde. Frédéric Atken, on peut vous lire, vous, dans des profondeurs océaniques au laboratoire avec Jean-Numa Foulque, c'est aux éditions ISTE. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Alex Dang à la technique aujourd'hui. Demain, je vous le disais, émission spéciale, nous allons revenir sur l'épidémie de coronavirus pour interroger la façon dont ces virus émergents se diffusent dans la population. Comment et pourquoi le seuil épidémique est-il d'un seul coup atteint? Qu'est-ce que le statut de pandémie? Que faire? De quelles armes disposent les scientifiques et les pouvoirs publics pour contenir la propagation d'un virus? On fait le point complet et scientifique demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.